Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. I want to talk deeper today. Je désire parler plus profondément aujourd'hui. About the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. And what you ought to do. Et ce que vous devez faire. To prepare. Pour vous préparer. In the right way. De la bonne manière. For the coming of the Lord. Pour la venue du Seigneur. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. In one conversation, dans une conversation, the God of heaven, le Dieu des cieux, the God of our Lord Jesus, le Dieu de notre Seigneur Jésus, he came to speak with me, il est venu parler avec moi about the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. And I'm describing the vision. Et je décris la vision. In that vision, dans cette vision, the night, la nuit was very dark, était très sombre. In the sky, dans le ciel, very, very dark, très très sombre. So dark, si sombre that you could not see anything, que vous ne pouviez rien voir. And then, all of a sudden, et alors, soudainement, in that vision, dans cette vision, of 5:38 a.m., de 5h38 du matin, all of a sudden, soudainement, heaven opened into the dark sky. Les cieux se sont ouverts dans le ciel sombre. And when heaven opened, et quand les cieux se sont ouverts into the dark sky, dans le ciel sombre, I saw the glory of Jehovah. J'ai vu le Jéhovah glorieux. I saw the glory of Jehovah. J'ai vu la gloire de Jéhovah. I saw the glory of the Lord. J'ai vu la gloire du Seigneur. Coming from heaven, venant des cieux, into the dark sky, dans le ciel sombre. And when the glory came, descend. Et quand la gloire est venue et descendue, the glory of the Lord began to change the dark sky. La gloire du Seigneur a commencé à changer le ciel sombre. From darkness to light. Des ténèbres à la lumière. The dark sky. Le ciel sombre. Colonizing the sky. Colonisant le ciel. Transforming the sky. Transformant le ciel. And then after that, ensuite, après cela, all of a sudden, soudainement, a golden clock from heaven, une horloge d'or des cieux, was lowered into the dark sky, a été montrée dans le ciel sombre, into the glorious opening, dans l'ouverture glorieuse. Again, encore, a golden clock, une horloge d'or. A mighty golden clock, une puissante horloge d'or of heaven, dans les cieux, was lowered into the entrance, était montrée à l'entrée. And then, et ensuite, when I looked at the clock, quand j'ai regardé cette horloge, I realized, j'ai réalisé, I had to panic, que j'avais à paniquer. I had to panic, que j'avais à paniquer. Why? Pourquoi? Because I realized, parce que j'ai réalisé. But when I looked at the hour hand, et quand j'ai regardé à l'aiguille des heures and the minute hand, et à l'aiguille des minutes, I realized, j'ai réalisé, it was 1 minute to midnight. C'était une minute avant minuit. I was shocked. J'étais choqué. Again, encore, when I looked, quand j'ai regardé, I realized, j'ai réalisé, it is 11:59. C'est 23h59. So I panicked. Alors, je me suis affolé. But when I looked, mais quand j'ai regardé at the second hand, à l'aiguille des secondes, the thin red one, celle qui est rouge, it was moving too fast. Elle se déplaçait trop rapidement. And my heart skipped a bit. Et mon cœur a gambadé un peu. I trembled very seriously because my heart skipped a bit. J'ai tremblé très sérieusement parce que mon cœur gambadait un peu. And then, et ensuite, after that, the voice spoke from heaven, après cela, la voix a parlé des cieux, people, disant, va, dis à ces gens to prepare for the coming of the Lord, de se préparer pour la venue du Seigneur. And when I looked in the sky, ensuite, quand j'ai regardé le ciel, the clock changed. Cette horloge a changé. and became a big writing in the sky. Et a tourné un peu dans le ciel. What did it write? Ça s'est marqué deux fois. The first one like this semicircle. La première fois comme ceci, en demi-cercle. The first one semicircle. La première fois, un demi-cercle. The second one under it, semicircle. La deuxième fois, en dessous, un demi-cercle. The upper writing was bigger writing. Ce qui était écrit en haut était écrit plus gros. The lower was a little smaller, half. Et plus bas, c'était un petit peu plus petit, la moitié. What did the writing in the sky say? Qu'est-ce que l'écriture disait dans le ciel? It said, ça disait Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. And under it, et là-dessous, is coming. Il vient. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth is coming. Vient. Precious people. Précieux peuple. Then I woke up. Ensuite, je me suis réveillé. And I began running to the earth. Et j'ai commencé à courir à travers la terre. On a long journey. Faire de longs trajets. And that journey, et dans ce voyage, today has brought me here. Ce voyage aujourd'hui m'a amené ici. The train has stopped here today. Le train s'est arrêté ici aujourd'hui. Precious people. Précieux peuple. What is the message to you? Quel est le message pour vous? Listen to me carefully. Écoutez-moi attentivement. The pastors, les pasteurs, the people, les gens, the land, le pays, the nation, la nation. We know it too well. Nous savons trop bien that the church and the nation, que l'église dans la nation, we are now waiting for the midnight hour. Maintenant, nous attendons l'heure de minuit. Because the Bible says, parce que la Bible dit at midnight, qu'à minuit, the Messiah will come. Le Messie viendra. And right now, et juste maintenant, we are waiting for the midnight hour. Nous attendons l'heure de minuit. But I want to say one or two things. Mais j'aimerais dire une ou deux choses about the waiting. À propos de l'attente. There is something that we can learn. Il y a quelque chose que nous pouvons apprendre from the Bible. De la Bible. About waiting for the midnight hour. À propos de l'attente pour l'heure de minuit. As we wait. Alors que nous attendons for the midnight hour. Pour l'heure de minuit. The Bible. La Bible can help. Peut aider to shed some light. À diffuser quelques lumières. On the waiting. À propos de l'attente, listen to me. Écoutez-moi. Right now, juste maintenant, the church of Christ, l'Église de Christ in the nations, dans les nations, we find ourselves, nous nous trouvons nous-mêmes at the same place, à la même place where Israel was, où Israël était when they were waiting, quand ils attendaient pour Jéhovah. Qu'ils attendaient Jéhovah to come and deliver them pour qu'il vienne et les délivre from Egyptian slavery. De l'esclavage égyptien. They waited. Ils attendaient and the Lord sent Moses. Et le Seigneur a envoyé Moïse to tell them pour leur dire that their cry, que leur cri, their cry, que leur cri have reached Jéhovah. Ont atteint Jéhovah. And because their cry et à cause de leur cri has reached Jéhovah, et parce que leurs cris ont atteint Jéhovah, Jéhovah, decided, Jéhovah a décidé that he was going to deliver Israel. A décidé qu'il allait délivrer Israël. And he told Moses, et il a dit à Moïse to tell the house of Jacob, dit à la maison de Jacob that I am going to come, que je vais venir to deliver them pour les délivrer from slavery, de l'esclavage. But if I come, mais si je viens, I must come, je dois venir at the midnight hour, à l'heure de minuit. And when I come, et quand je viens at the midnight hour, à l'heure de minuit, there are some preparation, il y a quelques préparations that the house of Jacob, que la maison de Jacob need to put together, doit mettre ensemble. And he said, et il a dit they need to get a lamb, ils ont besoin d'avoir un agneau. Exodus 12. Dans Exode 12, they need a lamb. Ils ont besoin d'un agneau. A lamb without defect. Un agneau sans défaut. An excellent lamb. Un agneau excellent. A perfect lamb. Un agneau parfait. Excellent. Excellente. Perfect. Parfait. No deformity. Sans défaut. No defect. Sans imperfection. And he said, et il a dit that when they get the lamb, quand ils choisissent un agneau excellent. Excellent. Perfect. Parfait. No defect. Sans défaut. They are supposed to offer sacrifice. Ils sont supposés l'offrir en sacrifice. Right. He said, il a dit that when the midnight hour is about, quand minuit arrive, when the midnight hour is about, quand minuit arrive, that time of the evening, le soir, en ce moment, before the midnight strikes, avant que minuit sonne, they are supposed to sacrifice the lamb. Ils étaient supposés sacrifier l'agneau. In other words, en d'autres mots, the evening sacrifice, le sacrifice de la soirée is supposed to be a perfect sacrifice, est supposé être un sacrifice parfait. And take the blood, et il fallait prendre le sang, put on the door post, le mettre sur le linteau de la porte, that when the midnight comes, afin que lorsque minuit arrive, how many times you have danced here? Combien de fois est-ce que vous avez dansé ici? How many times you have sung here? Combien de fois est-ce que vous avez chanté ici? Or there? Ou là? How many churches? Combien d'églises you have planted? Vous avez planté? How many people? Combien de gens you led to Jesus? Vous avez guidé à Jésus? He says, il dit, when the midnight hour strikes, quand l'heure de minuit arrive, all those things, toutes ces choses will not matter, n'auront aucune importance. But what will matter, mais ce qui aura de l'importance, that when you offer sacrifice, c'est que lorsque vous offrez un sacrifice of the blood, de sang, let it be, qu'il soit a perfect sacrifice, un sacrifice parfait that will cover you with the blood, qui vous couvrira avec le sang. Hallelujah. Listen to me. Écoutez-moi. And at midnight, et à minuit, Jéhovah délivrera Jacob. He delivered Jacob. Il délivrera Jacob. Now, maintenant, I have seen 1 minute to midnight. J'ai vu 1 minute avant minuit. How can we prepare? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Mere mortals, humbles mortels, human beings, êtres humains, how can we prepare? Comment est-ce qu'on peut se préparer? The church, l'Église, the nation, la nation, to receive the midnight hour, à recevoir l'heure de minuit. Écoutez bien, listen to this. Écoutez ceci. If you follow, si vous suivez the conversation, la conversation that saved Israel, qui a sauvé Israël from Goshen, de Goshen, from Egypt, d'Égypte, from slavery, de l'esclavage. Listen to what happened. Écoutez ce qui est arrivé. The Lord, le Seigneur, he essentially said to them, il leur a dit essentiellement that when the midnight is near, que lorsque minuit sera là, Israel is supposed to separate. Israël est supposé se séparer. That's the message. Voilà le message. Israël, if you listen, si vous écoutez, Jehovah said, Jéhovah a dit, I am going to kill the firstborn of the Egyptians. Je vais tuer le premier-né parmi les Égyptiens. Of the king, depuis le roi and man, et les hommes and animals, et les animaux. But you, Israel, mais vous, Israël, I have released the firstborn, j'ai délivré le premier-né of heaven, des cieux to die on your behalf, pour mourir pour vous. So Israel, alors Israël, you separate, vous vous séparez and begin to sacrifice, et commencez à sacrifier Le sang parfait. Le sang excellent. De l'agneau. Sans défaut. Laissez-moi vous demander. Le soir. Dans la soirée. Avant minuit. Il leur a dit que le sacrifice doit être parfait. Church, Église. And he said, et il a dit that the perfect sacrifice que le sacrifice parfait is the sacrifice of separation. Est le sacrifice de la séparation. Don't be like Egyptians. Ne soyez pas comme les Égyptiens. You separate, vous vous séparez and start to sacrifice. Et commencez à sacrifier. Church, Église. What time is it? Quelle heure est-il? I have seen the time in heaven. J'ai vu l'heure dans les cieux. Church, Église. What time is it? Quelle heure est-il? What type of sacrifice ought you to give? Quelle sorte de sacrifice devez-vous donner? Hey, he says, il dit. He says this. Il dit ceci. 1 Peter. 1 Pierre, chapter 2, chapitre 2, verse 4, le verset 4, verse 6, à 6, he says, il dit, he is the living stone. Il est la pierre vivante. He is the living stone. Il est la pierre vivante. The living stone that was rejected by men. La pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. And he says, et il dit, and yet precious. Et maintenant précieuse pour le Père. And he says, et il dit, you also, vous aussi, like the living stone, comme des pierres vivantes, you are being built into a living house. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, une maison vivante. And he says, et il dit, that the living stone, mais la pierre vivante was rejected. Était rejetée. Alléluia. Jésus ne se mélange pas. Il est séparé. Il est séparé pour le Seigneur. Et quand il est séparé, il a donné le sacrifice parfait. Il n'a pas mélangé le monde et la parole. Il n'a pas mélangé le péché sexuel et la sainteté. Il ne l'a pas fait. Quand Jésus a été rejeté, c'est parce que il a refusé de mélanger la vérité avec le mensonge. Il a refusé de mélanger le monde et le Seigneur. Il n'a pas mélangé le péché avec la sainteté. Église. Quel est le message de la pendule de minuit? C'est un message de séparation. Le Seigneur dit que vous avez besoin de vous séparer du monde, du péché, et de commencer à offrir un sacrifice. Le sacrifice parfait, il dit, Jésus a souffert le rejet. Les chrétiens, comment pouvez-vous craindre le rejet? Vous ne désirez pas être rejeté. L'Église, vous aimeriez être accepté. Vous aimeriez être embrassé. D'être aimé. But the Lord is saying, mais le Seigneur dit, this is the hour, c'est l'heure for the church, pour l'Église to begin walking, de commencer à travailler. Matthieu chapitre 7, Matthieu, chapitre 7 verse Les versets 13 et 14. To enter the narrow road. Entrez sur le chemin étroit. The midnight hour is here. L'heure de minuit est ici. This hour. En cette heure. The church. L'église. Must find the narrow road. Doit trouver le chemin étroit. Être séparé. From the sinful world. Du monde pécheur. And stop walking. Et commencer à marcher dans le chemin étroit. Jesus was rejected. Jésus a été rejeté. Because he offered perfect sacrifice. Parce qu'il a offert le sacrifice parfait. How about you? Qu'en est-il de vous? Will you be rejected? Serez-vous rejeté? To offer perfect sacrifice? Pour offrir un sacrifice parfait? The biggest problem. Le plus grand problème. Listen to me. Écoutez-moi. At this hour, en cette heure, 1 minute midnight, une minute avant minuit, the Lord is saying, le Seigneur dit that behold, que voici the new day is here. Le jour nouveau est ici. The Lord is saying, le Seigneur dit that at this moment, qu'en ce moment, the church, l'Église needs to separate, a besoin d'être séparée from the world, du monde. From sin. Du péché. For how long? Pour combien de temps? Will you waver between Jehovah and the world? Est-ce que vous allez pencher entre Jéhovah et le monde? The Bible says, la Bible dit that make every effort de faire tous les efforts to be holy. Pour être saint. For without holiness, car sans la sainteté, nobody personne will see the Lord. Ne verra le Seigneur. L'équipe de louanges, are you worshiping in holiness? Est-ce que vous adorez dans la sainteté? Are you just worshiping, or you're worshiping in holiness? Est-ce que vous êtes juste en train d'adorer, ou bien si vous adorez dans la sainteté? The perfect sacrifice. In the evening, le parfait sacrifice du soir is the sacrifice of holiness, est le sacrifice de la sainteté, righteousness, de justice, separation, de séparation, the sacrifice of obedience, le sacrifice d'obéissance. How are you worshiping Jehovah? Comment est-ce que vous adorez Jéhovah? This message, ce message, I have brought it to Puerto Ordaz, je l'ai apporté à Puerto Ordaz, to Caracas, à Caracas, Valencia, à Valencia, San Felix, à Saint-Félix, to other towns, dans d'autres villes, and yet, et maintenant, Russia. En Russie, I am not God. Je n'ai pas été. Jéhovah, Jéhovah has invested massively here. A investi beaucoup ici. Jéhovah expects some return. Jéhovah s'attend à un retour. He expects the fruit of investment. Il s'attend au fruit de son investissement. That fruit. Ce fruit. Is the church, c'est l'Église that will be raptured, qui va être enlevée. That fruit, ce fruit is a perfect church, est une Église parfaite. The Lord, le Seigneur, before the midnight hour, avant l'heure de minuit, he told the house of Jacob, il a dit à la maison de Jacob, that when the midnight is near, quand l'heure de minuit est proche, and they sacrifice the excellent blood, ils ont sacrifié le sang excellent. He told them, il leur a dit, he told them that they should eat bitter herbs, il leur a dit qu'ils devaient manger des herbes amères, hierba amarga, des herbes amères, that they may remember, pour qu'ils puissent se souvenir, their rejection by Egypt, du rejet par l'Égypte. You are daughters. Vos filles. You need to teach them. Vous avez besoin de leur enseigner. To dress holy, de se vêtir saintement. Such that when they go to school, de telle sorte que quand elles vont à l'école, and the rest of the children reject them, et que le reste des enfants les rejettent, that's all right. C'est juste. Hey, I have touched it. J'ai touché ça. I am going to touch it. Je vais toucher ceci. I don't come that you like me. Je ne viens pas pour que vous m'aimiez. I don't want you to like me. Je ne désire pas que vous m'aimiez. But I want you to like him. Mais je désire que vous l'aimiez. If you like him, si vous l'aimez and love him, et que vous l'aimez vraiment, you will tell your daughters, vous allez dire à vos filles that there is a scripture, qu'il y a un texte dans l'écriture about sacrifice, à propos du sacrifice in Matthew chapter 5, dans Matthieu chapitre 5, verse 27, le verset 27 and 28, et 28. Et il dit, qui que ce soit qui regarde une femme et la convoite, il est déjà tombé. Le moment de vérité. Si votre pasteur ne vous a pas dit que Dieu ne manque jamais de respect. C'est pourquoi il m'a envoyé. Pour que je puisse vous dire, vos fils, vous avez besoin de leur enseigner à propos de la venue du Messie et à propos du sacrifice du soir. The excellent sacrifice. Le sacrifice excellent. The perfect sacrifice. Sacrifice parfait. Tell them, dites-leur. Your body, votre corps, is the holy tabernacle, est le saint tabernacle of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. You cannot use it, vous ne pouvez pas l'utiliser for drug addiction, pour être dépendant de la drogue, pour l'alcoolisme, pour la prostitution, pour la pornographie, pour fumer, pour le péché. Le sacrifice du soir doit être saint, parfait, excellent. And continuing with sexual sin. Chanter ici comme ceci, comme cela, et continuer avec le péché sexuel will not help the church. N'aidera pas l'église. Singing there. Chanter là. Going to church. Aller à l'église. Without the perfect sacrifice. Sans le sacrifice parfait of holiness, de la sainteté, righteousness, de la justice, separation, la séparation, obedience, de l'obéissance, will not help, n'aideront pas. Separation, la séparation. From today begin to separate. Dès aujourd'hui, commencez à vous séparer. Leave the world alone. Laissez le monde seul. The world is not going to the kingdom of God. Le monde n'ira pas au royaume de Dieu. But you are supposed to go there. Mais vous êtes supposé aller là. Hey. Hey. The youth church. La jeune église. There is sexual sin. Il y a du péché sexuel. That is not even sacrifice. Ça n'est pas le sacrifice du soir. The pulpit. La chair. So many sexual scandals. Tellement de scandales sexuels. That is not even sacrifice. Ça n'est pas le sacrifice du soir. Evangelists. Les évangélistes. So much love of money. Tellement d'amour de l'argent. That is not even sacrifice. Ça n'est pas le sacrifice du soir. I fear. J'ai peur. That if you don't enter, que si vous n'entrez pas, my Lord Jesus, mon Seigneur Jésus, he will be put to shame. Il va avoir honte. He was ashamed at Calvary. Il a été humilié au calvaire. And if the pastor's wife continue wearing tight trousers, si les femmes des pasteurs continuent à se vêtir de pantalons étroits, tight trousers, tight pastor's wives. Des pantalons étroits, étroits, les femmes de pasteurs. If they continue like that, si elles continuent comme ceci, as if they're looking for men, comme si elles cherchaient des hommes, then Jesus will be ashamed again. Alors Jésus va encore avoir honte. Tight trousers, des pantalons étroits, showing anatomy, qui montrent l'anatomie, looking for men, cherchant des hommes, pastor's wives, des femmes de pasteurs. What example can the pastor's wives be? Quel est l'exemple des femmes de pasteurs? Nobody needs to tell you to repent. Personne n'a besoin de vous dire de vous repentir. You know that you need to repent. Vous savez que vous avez besoin de vous repentir. The pastor's wives are ashamed of Jesus. Les femmes de pasteurs font honte à Jésus. They are blocking Jesus from entering the church. Elles bloquent l'entrée de Jésus dans l'église. The young girls, les jeunes filles, they look to the pastor's wife as a role model. Elles regardent aux femmes de pasteurs comme un modèle de comportement. But what example? Mais quel exemple? Are you giving them? Mais quel exemple est-ce que vous leur donnez? Are you confusing them? Est-ce que vous êtes en train de les rendre confuses? The pulpit needs to repent. La chair a besoin de se repentir. We must return today. Nous avons besoin de retourner aujourd'hui. Let us return. Retournons. Let's go back. Retournons. Let's get back home. Allons à la maison. Let's go back to the house of the Lord. Retournons à la maison du Seigneur. The Lord, he is holy. Le Seigneur est saint. Let us return to the house. Retournons à la maison. He will teach us. Il veut nous enseigner. Holiness. La sainteté. The Lord. Le Seigneur. The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus. When he went to Calvary, quand il est allé au calvaire, in the evening, le soir, he offered a perfect sacrifice. Il a offert le sacrifice parfait and delivered you. Et vous a délivré. Right now, juste maintenant, the Messiah is coming. Le Messie vient. He deserves. Il mérite. He deserves. Il mérite. A perfect bride. Une épouse parfaite. Without stain. Sans tache. Without wrinkle. Sans ride. The Bible says, la Bible dit, in amplified, dans la version amplifiée, that the wide road, que la route large, is spacious, est spacieuse, is large, est large. So inside there, alors, à l'intérieur de cela, there is democratic space. Il y a un espace démocratique. You find them democracy on the Bible. Vous les trouvez démocratisant la Bible. They ask, ils demandent, you believe in pre-rapture, or post-rapture, or pre-tribulation, or post-tribulation rapture? Est-ce que vous croyez au pré-enlèvement ou au post-enlèvement? Est-ce que vous croyez à l'enlèvement avant la tribulation ou l'enlèvement après la tribulation? In that wide road, est-ce que cette route large, they are debating the word of God, discute de la parole de Dieu? Today I come to remove you. Aujourd'hui, je viens pour vous déplacer from the wide road, de la route large, of the false apostles, des faux apôtres, false prophets, des faux prophètes, false evangelists, des faux évangélistes, false pastors, des faux pasteurs, false teachers, des faux enseignants. I come to remove you, je viens vous déplacer, to return you, pour vous faire retourner, to the narrow road, sur la route étroite. Narrow. Étroite. Here when the Lord says perfect sacrifice, we will give perfect. Ici, quand le Seigneur dit un sacrifice parfait, on va lui donner parfait. Here there is no debate. Ici, il n'y a pas de discussion. Listen to me. Écoutez-moi. I have seen the time inside heaven. J'ai vu le temps à l'intérieur des cieux. I've seen the clock of God. J'ai vu l'horloge de Dieu. It says, il dit, one minute to midnight, une minute avant minuit. Remember, souvenez-vous, this vision, cette vision, was May 3rd, 2007. C'était le 3 mai 2007. 2007. 2007. It was already 1 minute. C'était déjà 1 minute. How many seconds are left? Combien de secondes reste-t-il? Yeah, the moment of truth. C'est le moment de la vérité. 2007. 2007. 1 minute to midnight. 1 minute avant minuit. 2012. 2012. How many seconds then? Combien de secondes encore? Did God stop the clock? Il n'a pas arrêté l'horloge. He did not. Il ne l'a pas fait. The clock is ticking. L'horloge avance. To the midnight hour. De l'heure de minuit. So you can see. Alors vous pouvez voir that you are receiving this message very late. Que vous recevez ce message très tard. So you need to prepare quickly. Alors vous avez besoin de vite vous préparer. Que Jéhovah may take this land. Peut prendre ce pays. There's so many in the streets. Il y a tellement dans les rues. They're walking there. Ils marchent là. They're drinking alcohol. Ils boivent de l'alcool. And they're waiting for the church. Et ils attendent que l'église. There are many out there. Ils sont beaucoup dehors. They're using drugs. Ils utilisent de la drogue. And waiting for the church. Et attendent l'église. To come and deliver them. Ils attendent qu'elle vienne et les délivre. The church. L'église. Must now be perfect. Doit maintenant être parfaite. A perfect church. Une église parfaite. Is a righteous church. C'est l'église juste. A righteous church. Une église juste. Is a glorious church. Est une église glorieuse. And the dark world. Et le monde de ténèbres. They will see the glory of God. Ils verront le Dieu glorieux. They are looking for answers there. Ils regardent de l'extérieur, là. Waiting for you. Vous attendons. They are asking. Ils demandent. Où est l'église? They know that power was given to the church. Ils savent que un pouvoir a été donné à l'église. Power. Un pouvoir. Power was not given to the United Nations Security Council. Le pouvoir n'a pas été au Conseil de sécurité des Nations Unies. Power was not given to the IMF, the International Monetary Fund. Le pouvoir n'a pas été donné au FMI, au Fonds monétaire international. Power was not given to the World Bank. Le pouvoir n'a pas été donné à la Banque mondiale. But power was not given to the European Union. Le pouvoir n'a pas été donné à l'Union européenne. Power was not given to the US Congress. Le pouvoir n'a pas été donné au Congrès des États-Unis. Power was given to the church. Le pouvoir a été donné à l'Église. You have real power. Vous avez un pouvoir réel. You can deliver the nation. Vous pouvez délivrer la nation and give them eternal life. Et leur donner la vie éternelle. You have real power. Vous avez un réel pouvoir. Let us return. Retournons. Let us go back. Retournons. So we can get the power. Alors nous pouvons avoir ce pouvoir. Only repentance. Seule la repentance can return the church. Peut faire que l'église retourne. From witchcraft. De la sorcellerie. From the love of money. De l'amour de l'argent. From deception. De la tromperie. Alléluia. Alléluia. Let us return. Retournons. We must return. Nous devons retourner. It is time for evening sacrifice. C'est le moment du sacrifice du soir. We must remove the tight trousers. Enlevons les pantalons étroits. It's time to give a holy sacrifice. Et commençons à donner un saint sacrifice au Seigneur. Un sacrifice de séparation. Retournons. Où que vous soyez, si vous désirez recevoir le Seigneur, levez vos mains. Répétez cette simple prière. Dites, Seigneur Jésus, I hear your word. J'ai entendu ta parole. That the midnight hour is near. Que l'heure de minuit est proche. Please help me. S'il te plaît, aide-moi. And cover me with the Et couvre-moi avec le sacrifice parfait. The sacrifice of the blood of Jesus. Le sacrifice du sang de Jésus. And separate me. Et sépare-moi from sin. Du péché. From the world. Du monde. In the mighty name of Jesus. Au puissant nom de Jésus. Tonight. Ce soir. I believe in you. Je commence une nouvelle vie. Amen.